Marco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des politiques s'insurgent contre l'exigence d'un récépissé d'inscription au rôle d'électeur pour obtenir des services administratifs. Pendant ce temps, la présentation d'un certificat de nationalité et d'un extrait du casier judiciaire n'est plus indispensable pour se faire élire en 2025. La Commission électorale nationale indépendante CENI a suspendu provisoirement l'exigence de certains documents. Le chef du groupe des tambourinaires de Guichoran, commune Guiheta de la province Guitéga, ne souhaite plus participer aux compétitions organisées chaque année en raison de sa paternité et de l'impartialité qu'il reproche aux membres des jurys lors des compétitions des tambourinaires. Dans la chronique santé ce mardi, on parlera du cancer du col de l'utérus. Avec Antoine Dauphin, l'annonce d'un projet de construction à Guitéga d'un centre national de cancérologie et l'arrivée pour 2025 d'un vaccin contre ce cancer dont bénéficieront les jeunes filles de 9 à 14 ans. Voilà pour le sommaire. L'exigence d'un récépissé d'inscription au rôle d'électeur pour obtenir des services administratifs ou sociaux est injustifiée, d'après Agathon Rouassa, homme politique indépendant. Il considère qu'interdire aux gens d'accéder au marché qui constitue une source de revenus pour les communes relève de l'ignorance. Selon lui, les responsables doivent savoir que chaque individu est libre de participer ou non aux élections. Cependant, il encourage les Burundais à se faire inscrire. Suivez-le. Il est évident que le peuple burundais a exprimé sa désapprobation par rapport à la façon dont le pays est géré. On ne se rendra pas de façon prompte pour les élections en vue. N'en déplaise, les autorités administratives et scolaires devraient quand même comprendre que le peuple burundais a des droits et que le pouvoir a des devoirs envers ce peuple-là. Si les gens optent à ne pas se précipiter dans l'alarmement, pourquoi prendre des mesures draconiennes et leur priver de leurs droits les plus élémentaires alors que même la période d'enrôlement n'est pas encore terminée? Ça cache mal la peur des autorités quant aux manigances qu'ils ont peut-être préparées par rapport au gonflement de ceci, de cela. On voit l'irrégularité notamment dans l'octroi des cartes d'identité, même dans l'enrôlement des ceux qui devraient participer à ces élections-là, parce que si on doit enrôler les gens qui ont moins de 17 ans pour une élection qui aura lieu en une année, d'ailleurs à moins d'une année, alors que l'électeur doit avoir 18 ans révolus le jour du scrutin, ça témoigne suffisamment combien le processus est déjà entaché avant même que le scrutin n'ait lieu. Quand cela ne tienne, j'encourage les Burundais à s'enrôler. Agathon Rouassa, de son côté, Dieudonné Nahimana, candidat à l'élection présidentielle en 2020, estime qu'encourager l'inscription est important, mais que cela devrait se faire sans injustice. C'est un devoir, comme c'est un droit, c'est aussi un devoir. Là, je me réfère à l'article 70 de la Constitution qui nous dit que tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques, de la défense de la patrie. Les administratifs doivent aussi être conscients que les citoyens peuvent avoir d'autres obligations qui les empêchent de se faire inscrire à temps. Alors, tant que les échéances qui ont été données par la CENI ne sont pas dépassées, si quelqu'un peut-être qui prévoyait aller se faire inscrire le 29 octobre se voit à pris ses droits au niveau des papiers et autres de l'administration locale avant que les échéances d'inscription se terminent, c'est injuste parce que quelque part, il n'y a rien qui a démontré que la personne ne voulait pas se faire enrôler pour les élections. Donc c'est très important que les administratifs soient aussi cléments et conscients qu'effectivement, il peut y avoir l'une ou l'autre raison qui fait qu'un citoyen ne puisse pas se faire enrôler avant la fin des échéances qui ont été données par la CENI. Plus important, c'est aussi de comprendre que, en même temps que c'est un devoir, il y a aussi des droits qu'on ne peut pas priver à un citoyen juste parce qu'il a manqué un seul devoir. Donc il faut essayer de voir comment équilibrer, peut-être sous forme, je ne peux pas appeler ça des sanctions, mais quand même des choses qui ne vont pas avoir des conséquences parce qu'on a privé les droits Puis il ne faut pas donner à chaque chef de colline ou administrateur de prendre la décision comme il l'entend. Il faut que ce soit une décision qui est prise au niveau central, au niveau du gouvernement, peut-être par le ministre de l'Intérieur, d'une façon très bien précise, où chacun ne va pas peut-être abuser de son pouvoir. Dieudonné Nahimana, qui était candidat à l'élection présidentielle en 2020 en tant qu'indépendant. Je vous l'avais dit, la Commission électorale nationale indépendante a suspendu provisoirement l'exigence de certains documents pour les citoyens voulant se faire élire pour les prochaines échéances de 2025. C'est ce qu'a annoncé le président de la CENI en marge d'une réunion organisée ce lundi à Mouramvia par le ministère de l'Intérieur à l'intention des partis politiques, mais qu'une fois élu, l'intéressé devra déposer ses documents. Prosper Nahurguamiye indique que parmi ces documents figurent le certificat de nationalité et l'extrait du casier judiciaire. On l'écoute. Comme il y avait des doléances, nous avons demandé que provisoirement on sursoit sur certains dossiers, mais on n'a pas renoncé. Puisque renoncer à ces documents serait être contre la loi, mais pour faciliter le processus de dépôt et d'analyse des dossiers, c'est notamment l'extrait du casier judiciaire. Nous sommes rendus compte que ça risque de prendre beaucoup de temps, puisque ça s'octroie au niveau du ministère de la Justice. Alors au regard des demandeurs de ce document, ça risque de causer problème en termes de délai. On a aussi autorisé qu'on laisse tomber l'attestation de bonne conduite VMR, puisqu'on reçoit cette attestation en fonction de l'extrait du casier judiciaire. Si tu n'as pas demandé l'extrait du casier judiciaire, il serait difficile de demander l'attestation de bonne conduite VMR. Et puis l'autre document, c'est l'attestation de nationalité. Nous sommes rendus compte qu'avec la carte d'identité nationale, si on veut vérifier la nationalité de quelqu'un, ce document suffit. Voilà en gros les principaux documents sur lesquels on s'est convenu qui seront déposé après élection, puisque un député élu ou un membre du conseil communal élu doit avoir un dossier. Le président de la CENI appelle toujours les Burundais en âge de voter à se faire enrôler massivement, tout en indiquant que l'activité a déjà atteint 64% d'après les chiffres collectés en une période de 6 jours. Encore une fois, Prosper Nahurguamiye. L'évaluation a mis parcours quand nous sommes à un pourcentage de 64,5% en 6 jours. Nous estimons au rythme où ça va, nous pensons qu'au 31, on aura un résultat très satisfaisant. Bien sûr, la sensibilisation doit continuer. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer pour qu'il y ait un taux maximal de participation. Sinon, si je devais faire un commentaire d'ordre général sur la philosophie, l'esprit qui a guidé la fixation du calendrier, on s'est d'abord fixé sur le cadre légal, notamment le code électoral, l'article 11 et l'article 129. Nous sommes aussi basés sur la fin des mandats de cette législature en cours. Alors nous sommes aussi fixés sur la période de dépôt des dossiers, période d'analyse, de recours, et on est tombé sur ces dates. Prosper Nahurguamiye, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Aucun des États membres du COMESA ne devrait être source d'un conflit régional. Le souhait exprimé ce mardi par le ministre burundais des Relations extérieures au cours d'un conseil des ministres du COMESA qui s'est tenu au palais présidentiel de Kiriri en prélude au sommet des chefs d'État de ce marché commun prévu ce jeudi 31 octobre pour Albert Shingiro, quand le feu est dans la maison du voisin, la tienne est aussi en danger. Suivez le ministre Albert Shingiro. Il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix, les deux étant les deux faces d'une même médaille. La paix doit être donc la pierre angulaire de notre programme de gouvernance, de paix et de sécurité. Qu'au grand jamais, aucun des États membres ne soit le foyer d'un feu qui brûle son voisin. Soyons donc, chers amis, impuissants de nous nuire mutuellement pour faire de notre région, notre continent et havre de paix un oasis de développement durable, inclusif, solidaire et harmonieux. Nous devons militer pour la stabilité en tant que clé du développement dans toutes ses dimensions et manifestations. Nous avons donc, nous tous, l'intérêt à ce que toutes les armes dans notre région s'éteignent conformément à l'initiative de l'Union africaine qui veut faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2030. Le ministre burundais des Relations extérieures et de la Coopération, Albert Shingiro. Le chef du groupe des tambourinaires de Guichoura, commune Guéta de la province Guitéga, propose que ce groupe ne participe plus aux compétitions organisées chaque année en raison de sa paternité par rapport aux autres groupes. Autre raison de cette réticence avancée au cours d'une conférence de presse, Oscar Chimirimana évoque la partialité qu'il reproche aux membres des jurys dans ce genre de compétition. La direction de la culture déclare quant à elle que la participation est volontaire et reconnaît la compétence des membres des jurys. Gérard Niwigira. Selon Oscar Nchimilimana, chef du groupe des tambourinaires de Guichoura, en commune Guitéga, province Guitéga, ce groupe ne devrait plus participer aux compétitions des groupes des tambourinaires organisées chaque année. Cela parce que, explique-t-il, c'est Guichoura qui est le berceau des tambours burundais et de surcroît, ce sont les tambourinaires de Guichoura qui ont appris à d'autres tambourinaires éparpillés ci et là dans le pays comment battre les tambours burundais, comment danser ces tambours et comment les fabriquer. Pour Oscar Nchimilimana, le groupe des tambourinaires de Guichoura se présenterait seulement au lieu des compétitions et ils battraient aussi les tambours, non pas pour compétir avec les autres, mais plutôt pour leur servir d'exemple pour qu'ils apprennent d'eux encore une fois. En outre, ils déplorent l'œuvre des jurys des compétitions des tambourinaires et les accusent de partialité d'incompétents. Ils proposent donc que les jurys soient composés de gens pleins de notions en rapport avec les tambours burundais ainsi que les tambourinaires de Guichoura qui joueraient le rôle de conseiller particulier. Toutefois, le directeur de la culture, Richard Ewatungwanayo, indique qu'il participe à une compétition qui veut et que chaque compétition a ses règles. Parlant des membres des jurys de compétition des tambourinaires, il dit qu'ils sont compétents et caractérisés par l'impartialité. Depuis Guitéga, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Du sport, à présent, le joueur Rodrigo Hernandez, évoluant dans la formation Manchester City d'Angleterre, a remporté ce lundi le Ballon d'Or édition 2023-2024 octroyé par le magazine France Football au meilleur footballeur de l'année. Cette récompense a suscité des polémiques dans les milieux footballistiques qui s'attendaient au couronnement du Brésilien Vinicius Junior du Real de Madrid. Selon l'article 4 du règlement du Ballon d'Or, le trophée est attribué en fonction de trois critères principaux, à savoir les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarès, ainsi que le fair play. Jean-Marie Vianney, Gendakoumana. Créé en 1956 par le magazine France Football, ce titre est à l'origine attribué au meilleur joueur disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. De 1995 à 2006, le Ballon d'Or est attribué au meilleur joueur évoluant dans le championnat européen sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il récompense les meilleurs joueurs au monde sans distinction de championnat ni de nationalité. Le trophée est alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre du meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir le FIFA Ballon d'Or attribué par des capitaines des sélections nationales, des sélectionneurs et des journalistes. En septembre 2016, France Football et la Fédération internationale de football et association FIFA décident d'arrêter leur partenariat pour l'attribution du Ballon d'Or et celui-ci revient à son créateur historique. Selon l'article du règlement légissant le Ballon d'Or, son trophée est attribué en fonction des trois critères principaux, à savoir les performances individuelles et caractère décisif et impressionnant, performances collectives ainsi que le fair play. Ce lundi le 28 octobre, l'Espagnol Rodrigo Hernandez, connu sous le nom de Rodri, qui évolue dans la formation Manchester City d'Angleterre, a remporté le trophée de l'édition 2023-2024. Cette récompense a suscité des confusions aux amateurs du ballon rond du fait que beaucoup s'attendaient que le Brésilien Vinicius Junior de la formation Real Madrid pourrait remporter son trophée vu ses performances lors de la récente saison. Vinicius a remporté 4 trophées à savoir la Ligue Européenne des Champions, la Supercoupe d'Europe, le Championnat d'Espagnol, la Liga Santander ainsi que celle de la Supercoupe d'Espagne. Quant à Rodri, il a remporté des trophées à titre individuel, à savoir celui du meilleur joueur du championnat de la première division en Angleterre, celui du meilleur buteur de la récente Coupe d'Euro. Collectivement, Rodri a décroché la Coupe d'Euro ainsi que le championnat de la première division d'Angleterre. Ce trophée du Ballon d'Or a une valeur estimée à 13 millions de dollars américains et pèse 15 kilos. L'Argentin Lionel Messi est le joueur le plus titré depuis la création du Ballon d'Or avec 8 trophées. Il est suivi par le Portugais Cristiano Ronaldo qui possède 5 trophées du Ballon d'Or. Radio Isanganiro, chronique santé. Le cancer du col de l'utérus est causé par une infection persistante par le virus du polyome humain qui se transmet par contact sexuel non protégé. Le gynécologue Gabriel Nahayo indique que l'un des moyens de se prévenir contre cette maladie est de se faire dépister chaque année et de façon précoce. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, Dr Jean Dodieu Avzarimana, fait savoir que le ministère de la Santé projette de construire à Gitega un centre national de cancérologie et annonce aussi pour 2025 un vaccin contre ce cancer dont bénéficieront les jeunes filles de 9 à 14 ans. Cette chronique santé est signée Ornella Mucho. Le cancer du col de l'utérus touchant les femmes est dû à une famille de virus, papillomavirus, qui se transmettent par voie sexuelle. Le gynécologue Gabriel Nahayo indique que cette infection persiste et les symptômes, dont les saignements vaginaux anormaux après la ménopause ou à la suite de relations sexuelles, se développent de façon silencieuse après un rapport sexuel contaminant et les premiers symptômes se développent entre 10 à 15 ans, raison pour laquelle un dépistage précoce est vivement recommandé. Certaines femmes et hommes âgés de 38 ans et plus disent qu'ils ont déjà compris l'importance de se faire dépister ou d'interpeller les autres à le faire chaque année. Je me suis fait dépister 2 fois et je vais continuer à le faire chaque année. J'ai déjà constaté qu'il y a des décès liés au cancer du col, surtout parce que la femme s'est fait dépister à un stade avancé. Je sais bien que le cancer du col de l'utérus est un fléau qui menace la santé des femmes et des filles. Et c'est pourquoi je sensibilise à ma femme d'aller se faire dépister souvent pour qu'ils connaissent son état de santé. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, Dr Jean de Dieu Avielmana, indique que plusieurs projets de lutte contre le cancer sont en cours, dont la mise en place d'un centre national de cancérologie. Je vous dirais qu'il y a un grand projet de mise en place d'un centre national de cancérologie. Il sera érigé à Gitega, je crois, et à Zégué, si rien ne change. Et je crois que les efforts du gouvernement sont déjà là parce qu'on a même accompagné ce projet en créant une ligne budgétaire qui va aider pour la mise en place de ce centre. La deuxième chose que nous avons fait, c'est l'élaboration d'un plan stratégique 2024-2028 de lutte contre le cancer, y compris le cancer du col de l'utérus. Et à partir de ça, on a révisé les guides national de dépistage du cancer du col pour introduire cette fois-ci une nouvelle méthode de dépistage parce qu'auparavant, dans les pays en voie de développement, l'OMS recommandait d'utiliser la méthode IVA-IVR qui est une méthode archaïque dont le résultat dépend de l'expérience de celui qui fait le test, plutôt le dépistage. Mais maintenant, avec les nouvelles recommandations de l'OMS, c'est d'introduire le test HPV, un test biologique au niveau du laboratoire. Il indique que le ministère de la Santé envisage également l'année prochaine la vaccination des filles âgées de 9 ans à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus. Toutefois, il interpelle toutes les filles et femmes en âge de procréer à faire un dépistage précoce puisque la maladie est curable. En collaboration avec le programme élargi de vaccination, on a soumis un dossier à Gavi Alliance pour un appui en vaccin contre le human papillomavirus où on va vacciner toutes les filles du Burundi de 9 à 14 ans. Et si rien ne change, selon les promesses qu'ils ont faites, c'est que les premières doses arrivent au mois de février 2025 de l'année prochaine et on commence avec la vaccination. Le message qu'il faut donner aux femmes, c'est surtout de se faire dépister à temps. Parce que dans mon expérience, j'entends des femmes qui disent « Non, je ne peux pas aller sur la table gynécologique alors que je ne vais pas accoucher. » Non, non, il faut y aller pour faire un dépistage. Quand on fait un dépistage cette année, on trouve que c'est négatif. tu dois reprendre un autre dépistage à une année, et puis à trois ans, et puis à cinq comme ça. C'est échelonné pour suivre ta santé. Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus courant chez la femme dans le monde, avec environ 660 000 nouveaux cas et 350 000 décès liés à cette maladie en 2022, dont 90% des décès dans les pays à faible revenu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.